Oh non, c'est des vieux journaux. Faut pas toucher aux petits tailles. C'est sale, c'est des vieux trucs. Alors ça a un peu pissé? Ouais, c'est ça aussi. Bon, tu peux regarder. C'est pas trop. Trop rigolo. Une brique, on a parlé de ce groupe là. Trop rigolo.